Bonsoir, vous êtes à l'écoute de... On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... Salut, ceci est l'émission Tronche d'un art qui passe sur les ondes de Radio Libre tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h et qui est rediffusée le vendredi soir à 21h. Ce soir, nous ne sommes pas en studio, mais nous avons prévu deux reportages de chaque 30 minutes. Les reportages font référence aux thématiques suivantes: racisme, les frontières qui tuent, centres fermés, violence de l'État, etc. D'abord, on passe le son de la manifestation devant les centres fermés La Caricole et le 127 bis à Stenokeresel le dimanche matin 21 juin. Une quarantaine de militantes se sont donné rendez-vous devant les centres fermés à Stenokeresel pour manifester leur soutien aux personnes enfermées et exiger la fermeture de ces lieux de détention. Ensuite, vous allez recevoir un petit retour des actions qui ont eu lieu dans le cadre de la campagne transnationale Côte en solidarité dans 10 villes. Pour plus d'informations et photos, regardez sur Twitter Coasts In ou sur le blog calaismigrantsolidarity.wordpress.com/coastinsolidarity. Et un vidéo a été créé et vient de sortir par Zine TV. Des actions qui ont eu lieu au stand le samedi 20 juin. Pour l'action à Ostende, un compil de témoignages a été créé par Radio Panique pour diffusion pendant les actions à Ostende, avec 30 minutes de témoignages de migrants en fuite via les routes migratoires maritimes qu'on va vous passer pendant cette émission de Tronche d'un art. Et à la fin de l'émission, on rediffuse le podcast Semblant de rien. Semblant de rien est un projet qui lutte contre le racisme, les préjugés et les stéréotypes raciaux véhiculés par notre culture et nos institutions qui aboutissent à la discrimination des minorités ethniques visibles. Ce projet est né de l'association de trois jeunes femmes bruxelloises, Estelle, Fiona et Katia, qui réalisent ensemble des podcasts disponibles gratuitement sur leur site web www.sansblancderien.be. On diffuse ici, ce soir, la première des trois épisodes sur Congo. Décolonisation, co-construction, récit commun. Sans blanc de rien, explore le long chemin pas si tranquille de la Belgique au Congo. Bonne écoute. On passe le son de la manifestation devant les centres fermés La Caricole et le 127 bis à Stenokeresel le dimanche matin 21 juin. Thank you. Combat Wombat avec la chanson Asylum de leur album Just Across the Border. Pour mieux comprendre pourquoi cette compile de témoignages des migrantes en fuite des routes maritimes migratoires, je vais vous lire le tour des actions de la campagne transnationale Côte en solidarité du 20 juin 2020. La campagne Côte en solidarité aurait quitté les frontières extérieures de l'Europe occidentale en juin et juillet pour souligner la nécessité de la solidarité avec les migrantes, entre parenthèses en passage, et pour relier les mouvements et collectifs de solidarité sur tout le littoral. Cette semaine, donc la semaine du 20 juin, le navire aurait également amarré à Zeebruges et à Ostende s'il n'y avait pas été le corona. Mais même sans voilier, la campagne se poursuivra. Plusieurs actions ont été menées le samedi 20 juin 2020 dans le cadre de cette campagne Côte en solidarité dans 10 villes des 4 pays le long de la mer du Nord et également le long de la Manche. Donc vous trouverez des photos des actions sur twitter.com/coastsin, pluriel coast, et aussi sur le blog de Calais Morgan Solidarity. WordPress.com. Ici en Belgique, trois actions ont eu lieu, deux à Ostende et un à Bruges, le samedi 20 juin. À Ostende, à 11h, une première action est déroulée en silence autour du monument des marins sous la Zeeheldenplaine, le début de la digue à Ostende, pour commémorer les nombreux migrants morts aux frontières de la forteresse Europe et de la mer du Nord. Vers 11h30, une deuxième action a eu lieu sur la plage où un cimetière a été construit dans la mer avec des pancartes faisant référence aux nombreux morts que forteresse Europe a sur sa conscience. Une sculpture de Niknam Mazout a été déposée de l'artiste Pete Wittewitz Frongol, cet homme iranien qui s'est noyé et qui a été retrouvé mort l'année dernière au large des côtes de Zeebruges, n'est pas qu'une des nombreuses histoires tragiques. Depuis 1993, 35 760 personnes sont mortes et beaucoup d'autres dont nous ne savons rien. Le rythme de la résistance attire l'attention du public sur la plage et la digue et on crie les slogans tels que « No border, no nation, stop deportation, niemand is illegal ». À Bruges, il y a également eu une petite manifestation. Les actions étaient terminées vers midi pour pouvoir être de retour à 14h à Bruxelles à la rassemblement sur la place du Luxembourg pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers, ensemble avec les personnes sans-papiers. Cette campagne transnationale Côte en solidarité est lancée pour appeler la population et les habitants des villes côtières à faire preuve de plus de solidarité et à ouvrir les jeux, à organiser des accueils et à demander aux responsables politiques locaux de rendre possible une traversée en mer en toute sécurité, car fuir n'est pas un crime. Abolissez les frontières. 2020 montre plus que jamais auparavant que nous sommes aujourd'hui loin d'un monde où tous les individus jouissent des droits égaux. La situation des migrantes en Europe et dans d'autres parties du monde est tout simplement honteuse. Les centres fermés, les prisons comme plusieurs il y en a en Belgique et partout dans le monde continuent d'exister. Nous voulons mettre un terme à cette situation. Cette situation repose sur des lois et des décisions politiques qui peuvent et doivent être modifiées. Néanmoins, la commission de défense a décidé la semaine dernière, juin, que 4 F-16 belges sont autorisés à repartir pour la Syrie et l'Irak pour y larguer des bombes, souvent sur des zones densément peuplées. Il faut se demander où les personnes qui fuient cette violence guerrière sont encore les bienvenues. Revendication de la campagne Côte en solidarité pour le droit de rester et de circuler librement, abolissez les frontières, arrêtez les déportations une fois pour toutes, régularisation de toutes les personnes sans papier, de précieuses conditions de vie et des soins de santé pour tous, fermez tous les centres fermés une fois pour toutes, construisez des villes et des réseaux de solidarité, changeons la société, la solidarité maintenant. La compilation de témoignages assemblés par Radio Panique, vous pouvez retrouver toutes les témoignages et un extrait d'un manif au port de Marseille qui est prise d'un vidéo de primitivi.org, c'est une télévision locale de rue à Marseille, qui a comme titre « Je suis pêcheur, je suis du côté de la loi de la mer » sur le site de la campagne Coast in Solidarity, qui est transmis sur le blog existant de Calais, migrantsolidarity.wordpress.com, avec une page spéciale « Coast in Solidarity ». Le son de ce reportage vient du projet Le Ravage d'Ali Baba, un projet de Kofi Van Morgen, plateforme créative du batteur et graphiste Simon Planken, avec des musiciens de jazz belges, Hendrik Lazur, Thijs Troch et Elias De Voldere. Ils sont partis avec des volontaires de l'ASBL Humain au camp de réfugiés à Bruxelles et à Dunkerque. Je mettrai le lien vers leur blog aussi sur transgenre.noblogs.org, mais c'est plus de coffeevanmorgen.org. Bonne écoute. Thank you. Ik ben P. Ik ben 27, kom uit Nigeria en ben nu in Italië. Ik werd vastgehouden in een detentiecentrum in Libië. Mannen en vrouwen in dezelfde grote kamer. Soms kwamen ze een van de jonge meisjes halen. We baden tot God dat ze terug zouden komen. Er zijn hier in Italië mensen die voor mij zorgen. Ze komen met me mee naar het ziekenhuis voor mijn controles. Het is mijn eerste zwangerschap. Ik verwacht een meisje. Ik hoop dat ze op een rustigere plek zou kunnen wonen dan hier. Eén die vredevoller is. Ik zal mijn baby testimony noemen. سلام علیرضا هستم 17 ساله و در موریا زندگی میکنم. Hello, I'm Alireza and I'm 17 years old and I'm living in Moria. معمولا بیشتر مردم خوشبختی رو به رشد کردن معنی میکنند یا اینکه میگویند اگر میخوای زندگی شادی داشته باشی باید در لحظه زندگی کنی. اما وقتی که وضعیتم را در کمپ میبینم متوجه میشوم که از زمانی که آمدم هیچ رشدی نکردم بلکه پسرفت‌هایی هم داشتم و بدترین لحظات عمرم را در اینجا سپری کردم. نمیدانم شاید این وضعیت بازتابی از این گناه هم هست که یک پناهجو به دنیا آمدم. Usually people describe happiness as improvement. Or they say, if you want to have a happy life, you should live in the moment. But when I look at my situation in the camp, I realize that I'm going backward instead of improving, and I'm experiencing a bad period of my life. I don't know. Maybe this is my punishment because of burning as an immigrant. Hi, I'm Hussein Ali. I'm 16 years old. I'm from Afghanistan. And now I live in a section where they keep minors, unaccompanied minors. Actually, coming from illegal ways is like you accepted a challenge of life or death. When we decided to come from illegal ways, I didn't know this. But slowly, I knew that coming from these ways is like a suicide. But there was no way for us. For being alive, we used to accept this challenge. And we started as I was a teenager. It was hard to come. But I thought that I can pass this bad way and I will reach to Europe and the problems will be finished some days. After a lot of hard days and many problems, I reached to Greece and I thought I finished my problems, but that was just a dream. Moria is a small Afghanistan, insecure, not safe, and a place where we get mental problems and many other problems. At the end, I think we are the most bitter story of history in the world. Souvent, il y a des coups de feu. Souvent, la nuit, quand nous sommes couchés dans un gros bâtiment, les Arabes venaient prendre deux de nos amis, trois. Et les filles, certaines, on les violait. Même si, quand tu es avec ta femme, si on veut la violer, quand tu te manifestes, bon, on te fait du mal. On peut te tirer, soit on peut te frapper jusqu'à la mort. J'ai subi tout ça. Quand tu montes dans le bateau, tu portes un seul habit. Tu ne portes pas les chaussures. Tu n'as pas de téléphone. J'avais peur parce que j'étais enceinte. J'étais fatiguée. J'avais peur, j'avais trop peur. Eh bien, je les sans-papiers avaient été confinés à la même enceinte et de constater que nos enfants et nous-mêmes constituions toujours les angles morts de la gestion de la pandémie. Cela est inadmissible. Ça ne peut plus durer. Les sans-papiers n'arrivent plus à respirer. Ils veulent aujourd'hui être déconfinés avec leur voix. Nous enfants qui souffrent en silence, déjà défavorisés, ont complètement perdu le contact avec l'école depuis le mois de mars. Dans les situations de vie qui sont les nôtres, les cours à distance sans matériel informatique, sans connexion étaient impossibles. Le confinement a renforcé les inégalités scolaires et provoquera à coup sûr le décrochage de certains de nos enfants. Ici, nous vous disons que la scolarisation des enfants sans papier devrait être prise en compte comme facteur d'ancrage durable. Certains de vos mesures manifestent davantage l'exclusion des sans-papiers, ainsi celle des belges pauvres. L'usage obligatoire d'une carte de banque pour achat d'un titre de transport à la STIF est une aberration qui insulte des milliers de personnes. Cela est inadmissible dans un pays qui se dit de droit. Madame Sophie Wilmès et messieurs les membres du Conseil national de sécurité, aussi vrai que vous êtes des parents, nous vous demandons de déconfiner les droits de nos enfants. Aussi vrai que vous luttez contre le Covid-19, il faut donc considérer tout le monde, y compris nous les sans-papiers. La réutilisation est une urgence sanitaire et sociale. Aussi vrai que votre gouvernement veut lutter contre le racisme et contre la montée de l'extrême droite, il faut donc nous régulariser. Sinon, vous n'avez qu'à vous associer à ceux qui l'encrânent. Aussi vrai que vous voulez lutter contre la fraude sociale, il faut nous régulariser. Nous allons travailler en toute dignité. Nous avons soif de participer à la sécurité sociale. Nous voulons participer ensemble aux côtés des Belges à la relance de l'économie. Madame Sophie Wilmès, messieurs les membres du Conseil national de sécurité, il vous revient de tout faire pour nous intégrer dans l'état de droit afin de réduire les inégalités qui ne font que s'accentuer dans ce pays. Il vous revient de décider de la régularisation des sans-papiers afin de couper l'herbe sous les pieds de l'extrême droite qui se nourrit de la haine et de l'exclusion. Le comité des femmes sans papiers. Hi, I'm Nazanin, 26 years old, from Afghanistan. I have been living in Moria for 7 months with my mother and 3 of my sisters. When it comes the name of Moria, immediately all the thoughts go through the terrible available situation inside the camp, such as overcrowding problems, horrible sanitation, lack of basic needs like water, electricity, fuel, and etc. Definitely, this can be the most important and problematic issues that are visible at a glance. But if we pay attention deeply, there are some more hidden and unsaid things. Let's think about the mother who crossed the dangerous borders to make her child's future, but lost her in the fire. Nothing left but burnt bones. The father who lost his innocent boy during the crazy fights and no one asked why. How? Or someone who came here to find peace and safety but is living in a more dangerous, unsafe, and stressful place even more than the land he has come from. The child whose toy was changed to a fake knife and trying to do, talk, and shout just what he saw in the adults. The girl who tried to learn, be independent, and stand on her own feet but is even more vulnerable than ever, that should rely on someone else to take one step out of his living area. The people who are losing their mind, patience, tolerance due to living in this awful situation and dealing with so many challenges. So, yep, here is Europe Lesbos Camp Moria. Thank you. I'm Yasser, 16 years old. And I'm from Afghanistan. It's been about 5 months that I'm here in Moria refugee camp. Moria, hell of migrants. It's a good place for criminals, murderers, rapists, thieves, and fighters. A place where people have to stay in lines for hours. A place where there is only few clinics for 90,000 of migrants. A place where there is no school for thousands of youngsters who came for a bit brighter future. A place where there is no water to wash our hands. A place full of trash. A place where police has no control over fights in their own homeland. 3 days ago, a fight happened between volunteers of Movement and Team Humanity. It was a huge fight. More than 5 people were stabbed and police did nothing. Later that day, at night, there was another fight between 2 Hazara and Panjshiri nations. And I'm pretty sure more than 15 people were stabbed in that night. In the morning when I woke up, I witnessed cutted fingers on the ground. Is this how safe Europe is? Is this the humanity they're always talking about? Please leave no one behind. Pour moi, moi je suis certifié, j'ai un certificat de capacité à la pêche depuis 77. Okay. Donc je suis capitaine depuis 17. Ouais. Combien? 40 ans? Récupérer des corps, des vivants, des morts. Comment il y en a des morts, il y en a sauvés. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien à faire. Tu peux rien faire. Ouais, tu es parti pour pêcher, tu ne vas pas pêcher des autres. Ouais. Quand même, tu trouves une dizaine qui flotte sur l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas les moyens. Ouais. Tu ne peux pas les mettre sur le bateau. Il y a un grand risque pour toi, même pour la santé. En plus, tu sers dans des frontières à 100 000 marins. Ici, tu ne sais pas faire. VHF, parfois tu téléphones, personne ne t'entend. Donc tu seras obligé de laisser. Si on est un peu proche ici, quand même, on a des communications avec l'association ici, avec la police et tout, et on le ramène. Lorsqu'on est très loin, vraiment, c'est... tu ne peux rien faire. Tu regardes, ça ne va rien faire. Lorsqu'ils sont vivants, on a ramené souvent des vivants avec, dans des zodiacs, et parfois, tu ne peux pas même l'emmener, ils ne veulent pas venir. Donc ils donnent de l'eau, du lait, des trucs comme ça et tout. Pour dénoncer cette politique de l'Union européenne, de cette discrimination Frontex, et pour dénoncer le travail de Frontex qui laisse les gens mourir dans la mer et sans pitié. Et nous dénonçons ainsi l'Union européenne et les pays du Sud qui criminalisent le sauvetage, sauver la vie des gens, maintenant, elle est en question. Et ça, c'est le plus dangereux. On est dans une situation vraiment délicate. Hein? Tu le mets à chaque fois? Moi, je mets toujours, et le 11 novembre, je mets le français. Okay. Pas le 14 juillet, parce que ça a été un massacre. Un truc sanglant, j'ai pas envie de le fêter. C'est pas une jolie fête nationale, le 14 juillet. Bon, je vais faire monter la vapeur. Elles sont là devant, elle, hein? Elles nous attendent devant. Ouais. Alors elle est partie. Tenez-vous. Hein. Les accélérations sont terribles. Alors la bonne mère, c'était un bateau, c'était un pêcheur du Lavandou qui travaillait sur les îles de Porquerolles, tout ça. Mais il était venu se le faire construire à Marseille parce que les charpentiers marseillais avaient une réputation et s'appelait la Croix du Sud. Et quand elle a été rapatriée, on y a mis un nom plus indigène, on l'a appelée la bonne mère. Voilà. Mais elle n'était pas à voile, hein. Elle avait les roues pour les filets, tout ça. Et c'est moi qui remis le gréement traditionnel, la tête. Moi, je suis là parce que déjà, les Sénégal, Sénégalais, la mare, c'est l'affaire de tous les marais. Donc, quelqu'un dans la mer, tu es obligé de lui porter assistance. C'est une loi de la mer, puis c'est une loi morale quand même. Tu ne peux pas laisser quelqu'un dans l'eau. Ça n'est pas joli. Il me semble que. Je pense que la plupart des marins le font, mais il y a quand même quelques connards qui le font pas peut-être. Nous le faisons parce que nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas qu'une loi écrite, c'est une loi écrite dans le cœur. Donc, des personnes en mer, on n'en laisse pas. Jamais. Si j'avais ignoré ces appels au secours, je n'aurais jamais eu le courage de reprendre la mer. Aucun marin ne serait rentré au port sans avoir la certitude d'avoir sauvé ses vies. Je mentirais si je disais que je n'ai pas pensé au fait que j'allais peut-être finir en prison quand j'ai vu ce canot à la dérive. Mais je savais que ma mauvaise conscience serait pire que la prison. Ils peuvent faire tous les décrets de sécurité qu'ils veulent, mettre toutes les sanctions possibles et imaginables, nous saisir le bateau. J'aurais été hanté jusqu'à ma mort par ces cris désespérés. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes que dignement pêcheurs. Nous n'avons rien d'autre, mais nous resterons dignement des êtres humains. Sur nos côtes, dès lors qu'une personne est en péril sur l'eau, tous les moyens sont mis en œuvre pour lui porter assistance. Les navires sur zone sont sollicités par VHF, les embarcations sont mises à l'eau, l'hélicoptère de la sécurité civile est mis à contribution. C'est le branle-bas de combat. Comment imaginer alors que sur d'autres zones, toutes proches, quand des centaines de personnes sont en train de mourir en mer, les services de sauvetage d'État n'interviennent pas. Et pire, l'assistance des bateaux de pêche ou de commerce ou de sauvetage affrété par les ONG est criminalisée. Ce monde, ses frontières, ses polices, ce monde qui n'est pas le nôtre et qui est à réimaginer sur la mer comme ailleurs. 4 jaar geleden ben ik uit Eritrea vertrokken, samen met mijn man. Mijn man moest naar het leger en kon daardoor niet voor ons zorgen. En als hij uit het leger ging, zou hij naar de gevangenis moeten. Veel mensen belanden zonder reden in de gevangenis in Eritrea. Toen we vertrokken, gingen we naar Soedan. 3 jaar lang trokken we van de ene plaats naar de andere, op zoek naar werk, en we probeerden genoeg geld te verdienen om naar Europa te komen. Uiteindelijk hebben we een beetje geld verdiend, Maar het was niet genoeg voor ons allemaal. Dus ben ik met mijn dochter vertrokken. Mijn man kon niet met ons meekomen. Het was heel moeilijk om de woestijn tussen Sudan en Libië over te steken. Het duurde 7 dagen, non-stop, in een overvolle auto. En nadat we de grens waren overgestoken, verhuisden we van de ene stad naar de andere tot we in Tripoli aankwamen. We reisden in containers, alsof we dieren waren of objecten. Het was erg donker en warm in de containers. Veel mensen vielen flauw door de hitte en sommigen stierven. Libië is een heel gevaarlijke plek. Er zijn veel gewapende mannen. Sommige van hen zijn Daesh en ze doden veel mensen en doen ook veel ontvoeringen. Toen we in Tripoli aankwamen, stopten ze ons in een huis met 600 à 700 anderen en sloten ons op. We hadden geen water om ons te wassen, heel weinig eten en moesten praktisch op elkaar slapen. Het was heel moeilijk voor mijn dochter. Ze was heel vaak ziek. Er was veel geweld. Ik werd geslagen met blote vuisten, met stokken, met geweren. Als je beweegt, slaan ze je. Als je praat, slaan ze je. We hebben 2 maanden zo doorgebracht. Elke dag werden we geslagen. Ze vroegen ons te betalen om naar Europa te gaan. Dus ik betaalde $1,700 voor mij en mijn dochter. We hadden geluk, omdat vrouwen en kinderen op het dek van de boot werden gezet. De mensen beneden zaten in het donker en het was er erg warm daar beneden. Ik kon sommigen van hen horen zeggen dat ze niet konden ademen. Ik wist dat de reis erg gevaarlijk en moeilijk zou zijn, vooral voor mijn dochter. Maar wat was het alternatief? We konden niet overleven in Eritrea of Sudan. En onze regering staat niet toe dat de mensen vertrekken. Met onze documenten van Eritrea was er geen andere manier voor ons om naar Europa te komen. On va penser la musique d'une rappeuse bruxelloise, Isolde, avec une chanson qui a comme titre Noir. Tout est noir dans ma life, serrer les dents, toute ma life, compter ce qu'il me reste en poche, toute ma life. Le regard des gens, toute ma life, briser mon cœur, ouais, ouais, toute ma life, ouais, ouais, manquer d'amour, ouais, ouais, toute ma life, m'éloigner de mes proches, ça c'est toute ma life, vivre sans repère, ça c'est toute ma life, yo, yo, yo. Tout est noir, dans ma vie, car tout est noir, tout est sombre, tout est noir, dans ma vie, car tout est noir. Courir après les thunes non-stop, ça c'est. Commander du respect, autrui, ça c'est. Yo, yo, porter mes couilles, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Casser les codes, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Tracer ma route, ouais, ouais. Toute ma life, ouais, ouais. Noir et fier de l'être, ça c'est toute ma life, yo, yo, yo. Tout est noir dans ma vie, car tout est noir. Noir. Et ensuite, on rediffuse le podcast « Semblant de rien », la première des trois épisodes sur Congo. Décolonisation, co-construction, récit commun. « Semblant de rien » explore le long chemin, pas si tranquille, de la Belgique au Congo. Le pire des commerces qui soit, c'est la traite. Sire, chaque jour, les marchands volent nos peuples. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la propagande coloniale, elle s'est transmise. Le pays où on a le plus contesté, Léopold II, c'est la Belgique. Et donc on coupe des mains. La polémique prend une ampleur internationale. Certains témoignages disent que pendant 8 jours et 8 nuits, on a vu de la fumée sortir de la cheminée du bâtiment. Il y a une entreprise de propagande extrêmement importante. Parce que le système peut continuer, peu importe les personnes qui le composent. Semblant de rien, épisode 3. Ici, je ne parle pas de votre grand-père, de votre grand-mère, de votre grand-oncle qui a été au Congo. Je ne parle absolument pas de lui, je parle d'abord du système colonial. Parce que le système peut continuer, peu importe les personnes qui le composent. Le soleil baisse tout doucement dans le ciel bleu, mais il tape encore fort sur les toits des maisons dans le village de Boma, sur la rive droite de la rivière du Congo. La date est le 5 août 1877, et trois hommes viennent de sortir de la jungle. Ils sont maigres, affamés et épuisés. L'un d'entre eux tient une lettre, qu'il agite en l'air avec urgence. L'un des habitants de Boma, l'un des rares qui parle anglais, ouvre cette lettre, qui s'adresse à quelconque monsieur qui parle anglais à Mboma, pour y lire ceci. Monsieur, je suis arrivé ici depuis Zanzibar avec 115 âmes. Des hommes, des femmes et des enfants. Nous mourrons de faim. Mais si vos provisions arrivent à temps, je pourrai être à Mboma d'ici 4 jours. Idéalement, envoyez 10 ou 15 hommes avec du riz ou des graines. Les provisions doivent arriver dans les 2 jours, où je risque de me trouver parmi les corps. Sincèrement, H.M. Stanley. Commandant de l'expédition anglo-américaine pour l'exploration de l'Afrique. Le lendemain à l'aube, les commerçants de Boma envoient des porteurs, munis de pommes de terre, de poissons, de riz et de conserves. Les gens du village savent très bien ce que la lettre veut dire. Henry Morton Stanley a traversé l'Afrique. Sa réussite retentit à travers l'Europe. Les explorations, c'était un peu la télé-réalité de l'époque. Les explorateurs étaient les protagonistes préférés. En Belgique, à Bruxelles, un beau matin de septembre à Laeken, le monarque des Belges ouvre son journal, le London Telegraph, et apprend la grande nouvelle. Henry Morton Stanley a traversé l'Afrique. Sous sa grande barbe blanche et son nez imposant, un sourire se forme. L'année est 1877 et Léopold II, qui a 42 ans, commence à voir que son rêve, celui d'acquérir une colonie, prend enfin forme, celle du bassin de l'Afrique centrale. Bonjour, voilà, je m'appelle François Reckmans, je suis journaliste et j'ai commencé à travailler sur le dossier de l'Afrique centrale à partir de 1991. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme et la femme y commencent leur histoire. Pourtant, l'histoire de l'Afrique, telle qu'on la connaît communément, se résume à son histoire moderne, celle de la colonisation. En fait, pour nous, l'histoire de l'Afrique commence quand l'homme blanc pose pour la première fois son pied dessus. En fait, on commence à mieux connaître l'histoire de l'Afrique parce que très longtemps, ça a été l'histoire écrite par les Européens. Et maintenant, on travaille sur des sources, notamment des sources archéologiques, des sources linguistiques. Et donc on a tout un matériel très très intéressant sur ce temps long de l'histoire de l'Afrique. On peut dire que la manière dont les communautés commencent à se structurer politiquement commence du côté de l'an 1000. On est au Moyen-Âge chez nous. Jusque-là, on a des petites tribus qui vivent de manière relativement isolée. Et donc, à partir de l'an 1000, commencent à naître des structures politiques plus fortes. À l'intérieur de la forêt équatoriale, qui est le grand bassin du fleuve du Congo, on a des communautés, en gros. Tandis que dans la savane, on a de très grands royaumes qui commencent à naître et à se développer. Si on voit la période coloniale, finalement, et c'est pas pour minimiser cet épisode qui est très très important, mais c'est un épisode qui dure 70-80 ans. Par rapport à l'histoire de l'Afrique, alors que l'histoire de l'Afrique, comme nous la connaissons, naît vraiment du côté de l'an 1000 et va jusqu'en 2019. Et donc, ce n'est pas un épisode insignifiant, mais sur le temps long, c'est finalement très peu. Notre histoire à nous commence bien avant celle du second roi des Belges et de Henry Morton Stanley. Elle commence en plein dans l'histoire des grands royaumes de l'Afrique, avec un explorateur qui, à la recherche de l'Inde, s'aventure plus loin au sud que n'importe quel Européen avant lui. En 1483, un navigateur portugais, Diego Cao, découvre l'embouchure du fleuve. Il installe, vous souvenez quand les astronautes américains ont mis un drapeau américain sur la Lune, il installe à l'embouchure du fleuve Congo, sur la rive angolaise, il installe un pedrao, une grande croix, où il est écrit le nom d'Henri II, le roi, le navigateur, etc., etc. Et quand il revient 3 ans plus tard, il décide d'aller retrouver la capitale d'un grand royaume qui s'appelle le royaume Congo, avec K. Tout de suite après, commence le commerce. Et le pire des commerces qui soit, c'est la traite. On a une lettre de 1522, je crois, 1523, du roi Congo. Les lettres échangées entre le roi du Congo, Alfonso Ier, et le roi du Portugal sont les seules traces restantes d'une voie non blanche appartenant à une période racontée par les vainqueurs blancs. Sire, Sa Majesté devrait savoir que notre royaume se perd de tant de façons qu'il est nécessaire de trouver un remède. Nous ne pouvons estimer l'ampleur des dommages car les marchands mentionnés emportent tous les jours nos indigènes. Ils les saisissent et les revendent. Et la corruption, sire, est telle que notre pays est en train d'être complètement dépeuplé. Beaucoup des vôtres, afin de satisfaire leur appétit vorace, s'emparent des nôtres, des hommes libres. Et souvent, il arrive qu'ils enlèvent nos nobles et les fils de nos nobles, nos frères et leurs fils aussi. Dès qu'ils sont pris par les hommes blancs, ils sont marqués au fer et au feu. Sire, chaque jour, les marchands volent nos peuples. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre se retrouve complètement dépeuplée. Nous souhaitons que ce royaume ne soit plus un lieu de commerce ou de transport d'esclaves. Pendant toute cette période, les grands royaumes commencent lentement à s'effondrer parce que la traite fait des ravages jusqu'à l'intérieur du pays. Ça dure 3 siècles. Après 3 siècles, les Européens, le capitalisme a évolué, ils n'ont plus besoin de force de travail. Il faut s'imaginer qu'en 400 ans au total, on a capturé 30 à 35 millions d'Africains de l'Afrique centrale pour les emmener aux Amériques, aux Antilles, etc. Vous arrivez dans un village dans la forêt, la communauté compte 80 personnes, 40 adultes, 20 hommes, 20 femmes, des vieux. On prend 5 hommes, les plus valides, le village meurt. Parce qu'il n'a plus de quoi subsister, l'homme ne va plus à la chasse, il ne peut plus construire la maison, etc., etc. Donc le village meurt, et ce qu'on fait beaucoup de villages aussi, pour échapper aux caravanes des marchands d'esclaves, c'est se mettre dans des zones insalubres pour éviter d'être sur le sentier. Et donc on a une immense déstructuration politique et sociale. Aujourd'hui, la plupart des experts pensent que c'est cet effondrement sur tous les grands royaumes de la savane et dans l'est du pays qui a pu permettre la colonisation européenne. Donc on pense aujourd'hui qu'il y a entre 100 et 120 millions de personnes qui sont mortes dans cette traite. À l'époque, il y a un peu plus de 500 millions sur Terre. Donc je m'appelle Aliou Baldé, je suis militant au collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Le nom est un peu long, mais c'est parce qu'une grande partie de ce qu'on fait se retrouve dans le nom. Donc, mémoire coloniale d'un côté et lutte contre les discriminations d'un autre, parce que nous faisons le lien justement entre passé et présent, entre propagande coloniale et discrimination que vivent au jour le jour les afrodescendants ici en Belgique. Le collectif de la mémoire coloniale est l'une des organisations qui œuvre à confronter la réalité belge à celle du vécu de son ex-colonie et de décoloniser l'espace public. Cette déconstruction est essentielle, car elle permet de faciliter le vivre ensemble et co-construire une citoyenneté commune. Ça empêche le vivre ensemble. Ça empêche de construire une citoyenneté commune. Au quotidien, on raconte une histoire qui n'est absolument pas vraie, ou dans la plupart du temps, en fait, on nie cette histoire. Je rappelle que depuis l'indépendance en 1960-62 pour le Rwanda et le Burundi, ce pays s'est enfermé dans un déni, en fait, de son histoire coloniale. Et petit à petit, ça amène à l'ignorance et ça amène à la persistance des préjugés. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la propagande coloniale, elle s'est transmise. Que ce soit à travers l'école, que ce soit à travers les familles, simplement les discussions entre grand-père et petit-fils, etc., etc., qui transmettent comme ça des idées comme quoi, à une époque bien donnée, les Belges sont allés en héros au Congo, en Afrique, pour apporter la civilisation à d'autres, à supposer que ces personnes n'avaient pas de civilisation. Et qu'en gros, avec l'arrivée des Belges, les Congolais ont connu la religion, ont connu Dieu, ont connu l'école, les hôpitaux, etc., une structuration de la société, alors que c'est absolument pas vrai. C'est comme ça qu'on construit un eurocentrisme et donc une hiérarchisation des personnes. En 1865, un jeune Léopold II reprend le trône des Belges. Ses passions sont le profit et la géographie. Son obsession, c'est trouver une colonie. Il cherche en Amérique du Sud. Il investit dans le canal de Suez. Il demande après Fidji. Mais ce n'est qu'en 1870 que l'Afrique subsaharienne attire son attention. 80% du continent est toujours sous le règne des indigènes et semble être un terrain fertile à conquérir, ou plutôt à protéger, comme apprenait maintenant à le dire Léopold. En septembre 1876, Léopold organise une conférence géographique au Palais Royal de Bruxelles. La liste d'invités pétille de personnalités prestigieuses. La conférence est un succès phénoménal. Elle se clôture avec la création de l'Association internationale africaine. Les objectifs de cette organisation sont louables, nobles, pacifiques et philanthropiques. Le vicomte de Lesseps déclare Léopold l'un des plus grands humanitaires de son temps. Le drapeau de l'association est bleu, avec une étoile jaune au milieu. Ce drapeau ne change pas lorsque l'association est dissoute en 1885, à la création de l'État indépendant du Congo. Une lettre du roi souligne son intention. Prenons soin de ne pas différencier les deux. Le public ne verra pas la différence. L'un des comptes présents à la conférence de Bruxelles note, peu de temps après dans son journal intime, Ici déjà, se révèle cette habilité diplomatique. Cet art de dissimuler sous des apparences indifférentes une volonté bien déterminée. Léopold II, donc, en 1875, apprend que Stanley a traversé l'Afrique. Stanley va d'abord chez la reine Victoria, qui est liée parentalement avec Léopold II. La reine Victoria dit « Cette forêt équatoriale, ça n'a pas d'intérêt ». Et Léopold II le convoque à Tervuren. Et c'est là qu'il lui dit « Refaites une expédition, je vais vous la financer et vous faites signer les actes d'allégeance ». Le roi et l'explorateur se mettent d'accord dans l'année qui suit des conditions du retour au Congo de Stanley. Et Stanley, pendant les 5 prochaines années, devient l'homme de Léopold au Congo. C'est à ce moment-là qu'il fait signer des traités d'allégeance à plus de 450 chefs du bassin congolais. Les traités doivent être le plus bref possible. En quelques articles, ils doivent tout nous accorder. C'est exactement ce qui vient à se passer. La question de la légitimité de ces traités doit être posée. Très peu de chefs comprenaient le langage écrit de ces hommes blancs. Est-ce que les rois Nkambi et Mafela savaient, le 1er avril 1884, qu'en échange d'un morceau de tissu par chef, ils promettaient de librement et de leur propre volonté, en leur nom et ceux de tous leurs héritiers, donner à la dite association leur souveraineté et leur droit de gouvernance pour tout leur territoire. Avant la propagande en tant que telle, avant qu'elle devienne relativement structurelle en Belgique, la grande majorité des Belges n'étaient pas pour la colonisation. Et je rappelle que l'entreprise est fortement encouragée par Léopold II, qui se lance dans un projet que l'État belge à l'époque, la grande majorité de la classe politique, la grande majorité de la population, juge risqué sur le plan économique et non pas philanthropique. Alors, c'est la raison pour laquelle il se lance dans une initiative privée où il demande à des grands bourgeois en Belgique, comme le baron Lambert, comme le baron Brugmann, de financer ses campagnes, ses expéditions coloniales. À partir du moment où cette propagande coloniale se met en place, d'abord, la question, c'est pourquoi elle se met en place. Il est relativement important de poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'on comprend toute la suite, en fait. Par exemple, la première exposition universelle qui est faite à Anvers, selon les propres mots d'ordre du roi, c'est briser les résistances, en fait, l'objectif. C'est-à-dire, c'est créer un imaginaire collectif selon lequel la colonisation est une œuvre positive. Les Européens décident de se retrouver avec les États-Unis pour éviter une guerre entre Européens dans l'Afrique. Le 15 novembre 1884, des représentants des puissances européennes se réunirent donc autour d'une large table en forme de fer à cheval, donnant sur le jardin de la résidence officielle d'Otto von Bismarck. Il n'y a que des hommes, et aucun Africain ne siégera à la table berlinoise. C'est la conférence de Berlin, où Léopold II n'est pas invité, mais il est dans les couloirs, si j'ose dire. Mais depuis les couloirs, il négocie. Et sa négociation est très simple, il dit aux Américains et aux Britanniques, ne vous inquiétez pas, contrairement à toutes les autres colonies, moi j'ouvre le commerce à tout le monde. Et les Britanniques et les Américains disent, après tout, si on peut aller mettre des plantations de caoutchouc, pourquoi pas. Et il dit aux Français, si je quitte le Congo, vous avez la préemption, vous avez le premier choix, vous pouvez prendre le Congo, l'État indépendant, comme on dit, vous l'aurez à vous. Et donc les Français se disent, pourquoi pas, et ils laissent à Léopold II l'embouchure du fleuve Congo. On ne fait pas les frontières, contrairement à ce qu'on dit, hein. On esquisse des traits sur la carte, après on négociera les frontières jusqu'en 1910. Le 26 février 1885, le traité de Berlin est signé. Le 1er août, Léopold II notifie sa souveraineté sur l'État indépendant du Congo. Alors, le point de départ, ce qui caractérise le système colonial, c'est le fil rouge de l'argent. On doit le garder en tête parce qu'il permet de comprendre tout le système, en fait. Il permet de faire le lien entre tous les éléments de la machine coloniale. Donc, ça coïncide exactement au fait que l'industrie de la voiture prend énormément d'ampleur et cette industrie a besoin énormément de caoutchouc pour les pneus. Et donc, Léopold II va demander aux agents de l'État indépendant du Congo de mettre en place un système de récolte de caoutchouc à travers les quotas que les chefs de chaque village doivent imposer à leurs différentes populations. Ce système ne pouvait engendrer que des crimes. Et selon ce que l'agent territorial rapportait, les primes en dépendaient. Donc, plus tu rapportais de caoutchouc, plus tu devenais riche, en fait. Et donc, ça ne peut pousser qu'à des situations de crime quand on adopte ça. Et donc, on impose des quotas. Et quand on ne ramène pas le quota, ce qui se passe, c'est que bon, les mutilations commencent. Et les soldats de la force publique sont obligés de justifier chaque cartouche qu'ils utilisent. On doit apporter la preuve que l'on a utilisée sur une personne. Et donc on coupe des mains. Parfois même on coupe des parties génitales. On présente cela comme preuve à l'agent territorial, comme quoi la cartouche n'a pas été utilisée en vain. Les expéditions punitives ont aussi beaucoup porté sur la question du caoutchouc. Pourquoi ? Parce que quand un chef en avait marre du rythme de travail qui était imposé à sa population, très souvent, il arrivait qu'il y ait des révoltes. Et quand un chef se révolte, c'est comme le système du lynchage chez les esclaves, il faut en faire un exemple. Et donc, on envoie une expédition pour montrer que, bon, il ne faut pas moufter, quoi. L'exemple parfait de cela, c'est ce qui s'est passé à Tshamakele. Tshamakele, c'est un petit village au Congo. Je pense que c'était en 1895, si je ne me trompe pas, où 178 personnes ont été enfumées dans une grotte pour avoir résisté au rythme de travail. Il y a un excellent film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Caoutchouc rouge, rouge coltan, qui rend hommage justement aux 178 résistants de Djamakele. L'agent de l'État indépendant du Congo qui a commis ce massacre, c'est Charles Lemaire. Charles Lemaire est aussi dans l'espace public en Belgique, du côté de Eupen, à Mons. Il est d'ailleurs devant la commune, si je ne me trompe pas. En fait, on utilise beaucoup l'exemple de Charles Lemaire pour faire le parallèle avec le nazisme. Pourquoi ? Parce que, selon Césaire, les techniques du nazisme ont été utilisées ailleurs avant d'arriver sur le continent européen. Depuis le début de l'État indépendant, il y a eu des résistances. Certaines d'entre elles ont eu un écho international. Des missionnaires et des journalistes, parmi tant d'autres, qui, confrontés aux horreurs commises par les officiers de Léopold, usaient de la presse dans leur pays d'origine pour tenter de faire prendre conscience au monde des atrocités qui se déroulaient dans le bassin du Congo. Au fur et à mesure, les images et les histoires qui sortent du Congo voyagent aux quatre coins du monde. La polémique prend une ampleur internationale et le roi des Belges est pointé du doigt comme instigateur de cette violence et comme propriétaire illégitime de ce territoire. Des dénonciations de crimes, il y en a eu plusieurs avant même que la polémique commence. Et donc les premiers à faire les dénonciations, les premiers à faire polémique, c'est d'abord les populations congolaises elles-mêmes. Il faut replacer ça dans l'histoire parce que sinon on tombe encore dans l'eurocentrisme, même dans la dénonciation de ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe, c'est que suite à cette immense polémique sur le plan international, la classe politique belge elle-même commence aussi à s'interroger. Le pays où on a le plus contesté, Léopold II, ce n'est pas la Grande-Angleterre, c'est la Belgique. Vous pouvez lire les journaux, notamment les journaux du Parti socialiste, du Parti ouvrier belge à l'époque, c'est violent contre Léopold. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des résistances au Congo. Il y a eu des combats, il y a eu des guerres très très longtemps. Et puis, il y a eu cette affaire des mains coupées et de l'exploitation du caoutchouc qui a fait grand bruit à partir de certaines publications en Grande-Bretagne. Et là, le gouvernement belge est très embêté. À partir de ce moment-là, vous allez avoir aussi des contradictions dans la classe politique belge. La polémique prend tellement de l'ampleur, on raconte qu'il y a eu plus de 300 manifestations, et c'est encore, c'est y compris en Australie, aux États-Unis, etc., etc. Les gens qui sont sortis pour manifester contre l'État indépendant du Congo. Il semblerait qu'avant même la naissance de Twitter, on se réunissait déjà dans les rues. Alors, Léopold II décide lui-même, toujours dans son arrogance, s'il y a polémique sur le plan international, il faut bien qu'il réagisse pour laver son honneur. Et donc, il va s'organiser une contre-propagande en Belgique. Elle va se mettre en place à travers deux choses principalement. La première, c'est que au siège de l'État indépendant du Congo, qui est à la rue de Brederode, les journalistes vont surnommer ce bâtiment le fond des reptiles. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, des journalistes viennent dans ce bâtiment signer des articles qu'ils n'ont absolument pas rédigés. Et des articles paraissent après dans la presse sur la gloire de l'État indépendant du Congo, sur comment c'était une très belle colonie, que les populations avaient accepté la colonie, etc. etc. Et la deuxième chose, c'est que Léopold II va faire une commission d'enquête qui avait une certaine indépendance, il faut le reconnaître, qui vont se rendre au Congo, qui vont faire tout un tour dans tout quasiment l'État indépendant du Congo, qui vont recevoir les villageois, qui vont recevoir les missionnaires, etc., etc., qui vont tous aller quasiment dans le même sens. Sauf que le rapport, dans ses conclusions, conclut à des abus, à ce genre de choses. Et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, le rapport est fait ici à Bruxelles sur les crimes qui sont commis au Congo. Je rappelle qu'ils ne sont pas qualifiés de crimes, ils sont qualifiés d'abus. Le rapport est fait, Léopold II doit constater, comme tous, qu'effectivement, il y a des crimes au Congo. Je rappelle que ce rapport n'a pas été publié officiellement. Et puis, effectivement, Léopold II, à un moment, devant le tollé de critiques, etc., etc., au moment où il sent qu'il approche de la fin de sa vie, décide de renoncer à l'État indépendant et le transmet à la Belgique. L'effacement du Congo n'est pas unique. À Paris, à Londres et à Lisbonne, il n'y a pas non plus les traces des millions de morts qui ont permis l'enrichissement et l'élévation de ces villes et des nations auxquelles elles appartiennent. Le Congo de Léopold et des Belges n'est qu'un silence parmi tant d'autres. Mais, en tant que Belge, une anecdote intéressante retient notre attention. C'est un événement raconté par un jeune assistant militaire du roi, Gustave Stingelhammer. C'est un beau jour d'été. En août 1908, Hastings Lamer passe voir un ami dans les bureaux de l'État indépendant du Congo, à l'arrière du Palais Royal, rue Brederode. La matinée est particulièrement chaude, et le jeune assistant, après avoir ouvert une fenêtre, se pose sur le radiateur pour adresser son ami. Il sursaute. Le radiateur est brûlant. Lorsque les deux hommes font appel au concierge pour obtenir des explications, celui-ci s'excuse, expliquant que les archives de l'État étaient en train d'être incendiées. Certains témoignages disent que pendant 8 jours et 8 nuits, on a vu de la fumée sortir de la cheminée du bâtiment parce qu'on brûlait les archives de manière massive, quoi. En même temps, des ordres furent renvoyés vers le Congo, qui commandait la destruction des archives qui s'y trouvaient. Alors, le fait que Léopold II n'était pas au courant des crimes qui se passaient au Congo est absolument faux. L'histoire, les faits historiques montrent tout à fait le contraire d'ailleurs. Par exemple, on peut se poser la question pourquoi il décide de faire brûler une grande partie de ses archives quand il apprend que finalement son État indépendant du Congo deviendra propriété de la Belgique. Après rapport, certains témoignages disent que les murs du Palais Royal ont tremblé. Pourquoi ? Parce que Léopold II ne s'attendait pas du tout que les propres personnes qu'il a commanditées constatent effectivement qu'il y avait des crimes. Donc Léopold II était au courant de ce qui se passait au Congo. Il n'était pas étranger à cela. Et de toute façon, quand on est leader de quelque chose, que l'on soit au courant ou pas, la responsabilité nous incombe. Il y a eu, à partir de 1908, à partir du moment du début du Congo belge comme colonie, il y a eu une entreprise de propagande extrêmement importante pour montrer tous les bienfaits que nous amenions dans cette colonie. Civiliser, évangéliser, développer, faire des infrastructures, etc. Léopold II, à ce moment-là, est rentré dans une période où on l'a magnifié à l'excès. Et alors, il y avait effectivement, dans la propagande coloniale, on a aussi valorisé ceux qui mettaient en valeur le pays, d'une part. On a diminué l'aspect exploitation économique en disant plutôt grande construction, un nouveau barrage, du cuivre, une nouvelle ligne de chemin de fer, etc. Cette propagande coloniale a en fait inscrit dans l'imaginaire collectif, et cet imaginaire c'est quoi ? C'est qu'en fait il y a des créatures dans un pays très loin qui est l'Afrique, parce que l'Afrique est vue comme un pays par beaucoup de personnes, des créatures qui sont bloqué entre le primate et l'homme blanc. Homme blanc vu, évidemment, comme le stade ultime de l'évolution de l'homme. Et donc, l'imaginaire collectif, c'est de dire qu'en fait, il y a un fardeau de l'homme blanc pour le reste du monde, quasiment. Ce fardeau, c'est d'apporter la civilisation aux autres, signifiant que les autres n'ont pas de civilisation, ne sont que des sauvages bloqués qui ont besoin d'aide et de développement. C'est encore la rhétorique maintenant. Et c'est un discours qui ne prend pas au niveau de l'élite coloniale elle-même. Pourquoi ? Parce que on dit le borgne est roi au pays des aveugles. Entre borgnes, on ne peut pas se leurrer. C'est-à-dire que le discours officiel ne peut pas prendre. Pourquoi ? Parce que c'est eux-mêmes qui rédigent ces discours. Et donc ce discours est destiné à la grande masse des personnes. L'origine du regard blanc sur le noir ne date pas de la colonie, mais date justement du début de la traite. Donc on peut résumer tout ça en disant, au fond, donc l'homme blanc, dès 1500, crée un imaginaire de l'Africain d'Afrique noire. L'Africain d'Afrique du Nord est un ennemi, c'est un musulman. L'Africain d'Afrique noire, c'est quelqu'un qu'on peut transformer en marchandise, c'est un bien, et c'est par définition une brute, un sauvage, un primitif, on a toute une série de termes. Et à l'époque coloniale, on reprend un petit peu cette logique en l'adoucissant et en l'aménageant. C'est un homme à éduquer, c'est un homme à civiliser, c'est un homme à évangéliser, c'est un homme à qui il faut montrer la voie du développement. Et donc cet imaginaire collectif est très fortement marqué de la propagande coloniale qui dit que l'homme est la femme noire et sale, qu'il est en manque de civilisation, qu'il a toujours besoin d'aide, toutes des notions très infantilisantes. Alors la propagande coloniale n'a pas comme conséquence seulement de mettre des complexes de supériorité. Il faut quand même aussi dire que l'Africain a l'imaginaire du blanc. Hein. Aujourd'hui encore, je suis frappé quand je vais au fin fond du Congo, tous les gamins, tous les adolescents veulent venir avec moi en Europe. Hein. Et tous les adolescents croient que je suis ultra riche et que je suis très puissant. Je rappelle que la propagande, c'est aussi au niveau du Congo et de l'Afrique en général, pour maintenir les gens dans une notion selon laquelle ils sont inférieurs et qu'ils doivent leur salut aux blancs. Quelques années plus tard, en 1914, la Belgique est envahie par l'Allemagne. La suite à suivre. Semblant de rien, épisode 3. Première partie. Par Fiona, Katia et Stelle. Avec l'intervention de François Rickmans, Aliou Baldé et Samuel Ligaud. Pour plus d'informations concernant la blanchité et la colonisation du Congo, rendez-vous sur notre site semblantderien.be ou alors sur notre compte Instagram @semblantderien. C'est à l'écoute de... De Tranjana. De Tranjana. De Tranjana.